Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. La Kumbhamela est le plus grand rassemblement spirituel du monde qui se tient sur les bords du Gange en Inde à Allahabad tous les 12 ans. Et c'est en longeant ce fleuve sacré que je rencontre Yannick, un Français qui a passé plusieurs années avec les sadhus, des hommes qui ont volontairement choisi de renoncer à la vie matérielle. L'Inde est incroyable et remue l'âme et l'être du voyageur pour l'ouvrir à de nouvelles réalités. Regarde ailleurs nous emmène à la rencontre de Yannick qui nous raconte la Kumbhamela. Alors qu'est-ce qu'une Kumbhamela? C'est un rassemblement de dévotion populaire, mais qui n'est pas simplement lié aux croyances culturelles ou traditionnelles. C'est aussi quelque chose qui peut concerner tout le monde, dans le sens où c'est relié à ce que l'on appelle des phénomènes astronomiques. C'est régi par des phénomènes astronomiques, d'où la régularité des cycles. Donc c'est en fait la position de Jupiter sur ce que l'on appelle la croix des fixes, c'est-à-dire Jupiter en Verseau pour Haridwar, Jupiter en Lion pour Nasik, Jupiter en Taureau pour Allahabad, et normalement, traditionnellement, c'était Jupiter en Scorpion pour Ujjain. Il y a eu un décalage, parce que pendant plusieurs centaines d'années, les Kumbhamela ont été interdites, à cause de problèmes d'épidémie, de famine, de rixes entre sadhus. Donc pendant 300-400 ans, les Kumbhamela ont été interdites. Elles ont été réouvertes il y a à peu près 200 ou 300 ans par un Raja de la maison des Sindhya, mais avec des modifications assez étranges. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. La chose principale pour laquelle les gens viennent, c'est en fait une chose toute simple, c'est être en communion au moment du bain. Avant de me parler de la Kumbhamela, j'aimerais juste revenir sur l'histoire. Donc on est en Inde, là, ouais. on est à Varanasi. Mais nous on le sait, mais bon, juste pour recadrer vraiment le décor. Et la Kumbhamela, c'est un événement qui rassemble donc beaucoup de monde, basé sur un cycle cosmique, comme tu viens de me l'expliquer. Sur le mouvement des planètes, car la Kumbhamela, si l'on veut, elle représente symboliquement le barattement de la mer de lait, la création suivant les hindous, mais qui en fait n'est ni plus ni moins qu'une métaphore. Qui signifie le barattement de la voie lactée. C'est le jeu des influences célestes et les aspectations dont les influences se manifestent sur la Terre. C'est un phénomène concret. Les gens viennent donc prendre le bain. C'est la chose la plus importante, car c'est un élément fluide, donc réceptif par excellence, médiuminique. C'est par le biais de l'eau qu'on va récupérer la nature de ces influences célestes, le jour J, dans le lieu J. C'est ce qui se passe. Là, à Allahabad, 30 millions de personnes ont pris le bain le jour du grand bain, au Sangam. Ce n'est pas pensable où que ce soit. Alors les raisons, c'est qu'on ne verra jamais ça sur un meeting politique, on ne verra jamais ça sur un meeting sportif. Et la raison pour laquelle il y a autant de gens dans ce lieu, c'est tout simplement parce que c'est encore en Inde, Dieu qui est la superstar. Même si on ne peut ni le voir ni le toucher, c'est pourtant présent et palpable. Donc en prenant le bain, que va-t-il se passer? Normalement, traditionnellement, en réalité, normalement on prend les bains aux heures auspicieuses, c'est-à-dire entre 4 et 6, les heures calmes, où la température de l'eau est encore chaude et même la température de l'air extérieur différente. On dit que c'est l'heure où les dieux, les aspects célestes et lumineux, viennent prendre leur bain. Donc prendre le bain à cette heure est quelque chose de très auspicieux. C'est calme, c'est tranquille, il fait nuit, c'est très différent. Dès que le jour se lève, ça n'a plus rien à voir. Sauf le jour du grand bain pour la Kumbhamela. Le jour du grand bain pour la Kumbhamela, il est bien de prendre le bain quand le soleil pénètre l'eau. Car c'est par le biais de la lumière du soleil que ce que l'on appelle l'amrit, le nectar, va pouvoir être, perçu. Mais il ne faut pas se faire d'idées. c'est-à-dire qu'il est perçu, il est accessible pour ce que l'on appelle les satyalogues, c'est-à-dire les êtres véritables, qui sont dans la vérité, qui ne falsifient ni ne déforment le langage sous aucune forme. Mais c'est des choses étranges. Quand il y a une perception de ce qu'est l'amrit, on peut se retrouver dans des états très particuliers où même une boîte de conserve devient belle, où tout redevient beau et magnifique. Et subitement, ça n'est plus le mauvais côté simplement des choses qui est attractif. Par ailleurs, au niveau de l'influence d'une façon générale pour ce qui se passe sur cette planète, automatiquement, on a constaté l'effet papillon au niveau scientifique. Essayons d'imaginer simplement ce que ça peut donner 30 millions de personnes qui vont dans une certaine joie prendre le bain ensemble et en communion au niveau égrégore collectif et d'inter-influence sur l'ensemble. Ça n'a rien à voir. Moi, j'étais à 4h30 le matin au Sangam à prendre mon bain au milieu de centaines de milliers de gens. C'est un truc de joie, même pas descriptible. C'est comme des mômes qui barbotent, heureux. À 4h du mat, il fait nuit. Il y en a partout, ça grouille. Et pourtant, c'est un bain joyeux, en communion, content qu'il y ait autant de monde dans la même salle de bain. Ça peut rien avoir. C'est tout. Qu'est-ce qui t'a emmené, toi, dans cette perception? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu te retrouves dans le bain avec 30 millions de personnes? Des drôles d'histoires. Je vais être très certainement un sale môme, un garnement, un peu sans foi ni loi. Donc, je me suis retrouvé auprès de ce qu'on appelle des mahatmas, c'est-à-dire des grandes âmes. Alors, comme j'étais un petit con, j'ai cru d'abord que j'étais un élu. Et là, ils m'ont tapé sur l'épaule et m'ont dit « Attends, on dit tu te calmes ?» Ils m'ont dit « Nous, on est des médecins de l'âme. » Donc, toi, apparemment, t'es une urgence. T'es devenu potentiellement dangereux pour toi-même et pour tout ce qui t'entoure. Et tu viens de beaucoup trop loin, donc tu es un autre, on est obligé de s'occuper de toi. Donc, voilà. Mais j'ai contacté une dette aussi de ce côté-là, par ailleurs. Eh bien, je dois aussi maintenant, désormais, m'occuper aussi de ceux qui en ont vraiment besoin. Pas en fonction de mon intérêt, mais du leur. Ce qui est très différent, c'est ce qui définit un mahatma. Dont l'intérêt véritable devient l'intérêt commun, ceux de ses semblables et surtout de ceux qui en ont besoin. D'où après le discernement que l'on confond souvent chez nous en Occident par la discrimination. J'en reviens à la Kumbh Mela, donc ce rassemblement qui a lieu sur des cycles planétaires, comme tu me l'expliquais voilà, au début. La position de Jupiter dans les signes fixes. Est-ce qu'on sait depuis quand les Kumbh Mela existent? Est-ce qu'on peut remonter dans l'histoire des sadhus? Il doit y avoir des trucs là-dessus, mais c'est très vieux les Kumbh Mela. Ça date pas d'hier. Déjà il y a plus de 2000 ans, quand le roi Vikram a réinstauré Vikramaditan, le roi de l'empereur de la Terre-Mère, qui vivait sur la ville d'Ujjain, a réinstauré les Kumbh. Il est monté avec des chariots d'or pour les Dakshina à Allahabad. Parce qu'à Allahabad est le lieu le plus particulier, malgré tout. C'est Triveni Sangam, Ganga, Yamuna, Sarasvati. Donc, une grande artère de la Terre-Mère qui est lunaire, une autre qui est solaire, et il y a ciel qui est, comme on dit, Gupta, c'est-à-dire qui est interne. Donc elle représente une forme de kundalini dans le monde naturel. Inda Pingalai Saushma. C'est une espèce de trinité par le biais des eaux. Et l'eau étant l'élément médiuminique par excellence, réceptif, donc, permet de pouvoir avoir accès à toutes ces influences. Par ailleurs, l'eau permet effectivement, j'ai vu des gens rentrer dans le Gange, apparaître comme étant un peu terne au départ et ressortir totalement lumineux. C'est vrai que ça marche. Hein? Après, c'est très particulier. Tout ça, ça dépend aussi de... C'est peut-être de ses croyances aussi. Est-ce que c'est vraiment la force de l'eau, la force du mental qui va faire que quelqu'un devient... Comme ça. Quand un pèlerin vient voir un vrai sadhu, il lui demande toujours la même chose. Il n'est pas habilité à poser une question précise. Il y a un protocole. Il va lui dire « Asrirba dena maraj ». Donne-moi une parole de vérité, grand roi. Car il sait pertinemment que de la bouche de cet homme, il ne peut sortir que la vérité. Et donc, dans la mesure où il y porte lui-même foi à ce qu'il sera dit, automatiquement, cela adviendra. Et c'est fantastique, c'est que ça marche. Donc c'est ce qui se passe quand on voit tous les Indiens qui viennent se prosterner devant les Nagababa, c'est pour avoir une parole ? Là, il y a du variable, il faut faire le tri, il y a apprendre à laisser, il y en a conclu que l'uniforme ou l'apparence, il y en a de véritables aussi, il faut savoir les choses. Je voyais un très, très beau sadhu il y a très peu de temps, il me confirmait la chose, il me disait, si sur 100 000 il y en a un véritable, c'est déjà énorme. Et c'est ainsi aujourd'hui. Maintenant, il est aussi fort possible qu'il se passe un autre phénomène, c'est qu'il semblerait qu'il y ait des choses qui aient été embrayées par les représentants de la tradition sur l'ensemble des continents de la planète. Et cette chose tendrait à faire en sorte qu'au sein de l'inconscient collectif, de nouvelles consciences reprennent naissance. Il semblerait que c'est un phénomène en cours, et de plus en plus. Tu dis que sur la Terre, des âmes naissent avec un niveau de conscience différent. Ou se modifient au cours de cette vie en fonction, on pourrait dire peut-être de leur insatisfaction, le fait de vouloir atteindre quelque chose, on pourrait dire, de plus nourrissant. Pas forcément chez les sadhus, chez les hindous, ça peut être quelqu'un... Ça peut être aussi tout simplement en eux-mêmes, sans forcément aller chercher midi à 14h. Oui, bon, sinon je pourrais dire que la même chose que Socrate, hein, plus j'en sais, moins j'en sais. Ouais. Et je finis par me rendre compte que je sais vraiment pas grand-chose, pour pas dire rien. Il y a quand même des mots que tu utilises, que j'aimerais qu'on définisse. Tu parles de sadhu. Qu'est-ce que c'est qu'un sadhu ? Un sadhu, c'est quelqu'un normalement qui a notamment une sadhana. C'est ce qui fait un sadhu. C'est-à-dire qu'il a une pratique, une hygiène de vie, à la fois une hygiène physique et morale, qui se doit d'être exemplaire. Et c'est par la pratique de cette sadhana qu'on peut considérer que c'est un sadhu, et suivant où il en est dans sa sadhana, donc plus ou moins avancé. On ne peut que l'être, mais nullement le prétendre. Et pour l'être, il faut faire ce qu'il faut pour pouvoir l'être. Mais en aucun cas, on ne peut le prétendre. Comment tu perçois l'Occident aujourd'hui ? Parce que ce que tu dis, quand on voit ce qui se passe, aujourd'hui on a donné la pleine puissance et le plein pouvoir au monde de l'argent, au monde économique, à la sphère économique, qui n'est pas du tout compatible avec le message du Christ. Tu parlais avant de pleine conscience et de l'amour. De quelque sage qu'il soit. Comme on dit déjà en Inde, un sage qui dirait « je suis sage » ne serait pas un sage mais un âne. Je disais ça à un vieil ami Kabyle, il m'a repris et il me dit « tu sais, c'est pas gentil ce que tu dis pour les ânes ». J'étais obligé de constater que c'était en plus vrai. Donc, oui, mais là, il y a une chose à savoir, et pourtant la sagesse populaire chez nous le sait très bien. Tout ce qui a une véritable valeur n'a pas de prix, c'est inestimable. À partir de là, c'est à chacun de savoir jusqu'où il est capable de se renier lui-même. À savoir que vendrait-on sa mère, sa sœur, sa fille, son frère, est-ce que cela a un prix ? Donc c'est ces choses-là. C'est ce qui surprend le plus les gens en Inde, dans le monde de la tradition. C'est que chez nous, par exemple, on met nos enfants dans des crèches, on les confie à des institutions. Alors déjà, les femmes me disent, vous confiez vos enfants à des inconnus ? Je dis oui. Et en plus, on paye. Et alors là, elles sont subjuguées, elles disent c'est incroyable. Nous, c'est les tantes, les grand-mères, la famille, on ne confie pas un petit à un inconnu. Et en plus, payer pour ça. Par contre, quand je leur parle de ce que l'on fait de nos anciens, alors là, ils sont carrément horrifiés. Délégués à des institutions, dans des mouroirs et tout. C'est fini, là, je veux dire. Et on ne peut plus passer pour des gens civilisés. Ils ont perdu toute forme d'humanité, ça n'a plus rien à voir. Donc, ce qui a une véritable valeur n'a pas de prix. C'est inestimable. Et c'est ça dont il faut se rappeler. Donc, pour les plus grands, on pourrait dire maîtres de la terre-mère, ils sont tous à la fois maîtres et élèves, car ils savent qu'ils ont tous à apprendre les uns des autres et les uns aux autres. La vadoute peut apprendre de la fourmi, de l'arbre, de l'eau, de la terre, du vent. De la terre, il nous a dit qu'il avait appris une chose incroyable. Patience, indulgence, être le soutien des autres, sans jamais en attendre de reconnaissance. Tout ce que tu dis est puisé de l'hindouisme ou finalement c'est une science universelle ? C'est une science totalement universelle, elle concerne tout être humain. Ça n'a pas... C'est les fondamentaux à la base qu'on va retrouver chez les aborigènes, chez les chamans, ce qui est à la base même de tous les cultes et même formes de croyances, même les fondements du monothéisme. Parce qu'on a quand même... Il y a eu des syncrétisations très intéressantes, des tentatives. Les Avadhoutes, c'est ce qu'ils font en Inde, notamment dans l'Advaita Vedanta. Une forme de syncrétisation du concept à la fois monothéiste et polythéiste. J'avais un arrière-grand-père spirituel qui était très connu, qui était un Avadhoute, qu'on appelait le grand-père du feu. Et quand les gens venaient le voir, les monothéistes lui disaient « Grand-père, tu es unique ». Il leur disait « Évidemment, mes enfants ». Les polythéistes venaient, lui disaient « Grand-père ». Dieu est multiple, il leur disait évidemment mes enfants. Là, il disait, explique-nous, on ne comprend pas. Il leur disait, c'est très simple. Observez-vous les uns les autres et vous devriez comprendre. Donc il lui s'observait, disant, on ne comprend pas, grand-père. Il leur disait, eh bien pourtant c'est très simple. Vous êtes tous différents. C'est ce qui fait que chacun de vous est unique. J'ai eu l'enseignement d'un chaman dans le Himachal qui m'a beaucoup fait rire. Le village le plus élevé de l'Himachal, 3000 mètres d'altitude, Malana, ce sont des gors, les chamans, qui officient. Je rencontre le chaman parce que j'avais fait une petite effraction dans le village, un endroit où je n'étais pas censé me trouver, on m'avait balancé, je me retrouvais nez avec lui. Et là-dessus, il envoie là-haut et l'autre, et puis on commence à discuter tous les deux. Je lui dis, mais dis-moi... Pourquoi vous ne voulez pas d'électricité dans ce village qui est si haut, alors qu'on vous la propose? Il me dit non, on est descendu à Koulou, en ville en bas, on avait les gens qui utilisent cette énergie, si on utilise la même énergie qu'eux, on va être dans les mêmes histoires qu'eux, on n'y tient pas. J'ai dit d'accord. J'ai dit la route, pourquoi vous ne voulez pas de la route? Parce que c'est quand même dur de monter jusqu'à chez vous là-haut et de monter des samanes et tout. Il me dit non, il me dit Gara number kegari, yebagwan kegari. La voiture numéro 11, c'est deux bonnes jambes et c'est la voiture du bon Dieu. J'ai dit d'accord. Là-dessus, il me regarde, il me dit, tu sais quelle est la plus grande différence qu'il puisse y avoir entre toi et moi? Bien qu'il se plantait un peu. J'ai dit non, il y en a sans doute beaucoup. Il me dit, c'est que toi tu sais lire et écrire et moi pas. J'ai fait, oui alors. Il me dit, combien de noms d'arbres tu connais? J'ai dit, un certain nombre. Il me dit, tous ceux que tu peux nommer, est-ce que tu peux me les montrer? J'ai dit non. Il me dit, ben voilà, vous autres, par le biais de l'écriture, la lecture, vous avez acquis un savoir sur des choses que vous ne connaissez pas. Et vous pouvez parler savamment de tas de choses que vous ne connaissez pas. Il me dit donc, ici chez nous, ça n'existe pas. Nul ne parle de quelque chose qu'il ne connaît pas. Comme beaucoup de choses, finalement, on en revient au message du Bouddha. N'écoute pas ce que je te dis, vis l'expérience par toi-même. Tout à fait. Donc... Oui, plein de choses à voir à ce niveau-là. Mais enfin, Kumbh Mela est quand même un événement très particulier. C'est le seul événement qui ramène autant de monde sur cette planète. Et tout ça pour venir prendre le bain. Car la chose la plus importante, c'est de rentrer dans l'eau au bon moment. Et dans une certaine communion. C'est pas une demande, il n'y a pas grand-chose à obtenir. C'est un état. Mais ça dure quand même plusieurs jours. Ouais. Donc sur 2 mois, il n'y a pas qu'un bain, il y a autre chose qui se passe. Il y a aussi des rencontres. Il y a plein des bains, il y a les bains, il y a les rencontres, il y a plein de choses. Il y en a pour tout. C'est une méga foire du trône. J'ai un collègue là qui a fait un documentaire sur la Kumbh de 2010 à Haridwar, Jean-Marc. Super documentaire, je l'ai là d'ailleurs. C'est rigolo, il a intitulé ça la foire au Sadhu. Alors il nous a fait un point de vue panoramique. Il a tout pris, du bon, du mauvais, de tout, pour donner une image. Alors il y a des trucs vraiment très rigolos, quoi. C'est l'esbrouffe monumentale, puis des gens très très sérieux par contre. Donc pour donner, parce que pas de parti pris lui, il faisait juste son taf, quoi. Essayer de donner une vue globale sur le temps dont il disposait. Pas mal, fait un bon boulot. Pour une première, il s'est bien débrouillé. Alors, tu disais, c'est un peu la foire. C'est vrai qu'on voit des sadhus. Je pense à celui rencontré à Haridwar avec le bras levé depuis 27 ans. Qui est là près du Ghat, qui est debout depuis 5 ans. Oui, ça c'est des... Mais alors là-dessus, c'est bon... C'est des sadhanas particulières, c'est des ascèses. Bon, souvent le but... Pour beaucoup, c'est d'accumuler donc ce que l'on appelle des siddhis, c'est-à-dire des capacités dites paranormales, par le fruit de ce type d'ascèse et le travail donc de la volonté qui se forge. Ça marche, il n'y a pas de souci. Seulement attention, celui qui veut des siddhis pour lui-même, car on doit savoir une chose, c'est que sur une voie, sur un cheminement spirituel, le domaine du pouvoir, même dans le domaine psychique et spirituel, est aussi... à la fois ce que l'on appelle le test et l'obstacle. Ce n'est pas forcément un avantage. C'est-à-dire quelque chose qu'il va falloir dépasser. Celui qui les veut pour lui-même, pour se faire connaître ou reconnaître ou valoir, automatiquement va avoir un ego démesuré. Au lieu de lui faire du bien, ça lui fera du mal. Celui qui n'en a rien à faire, qui fait cette ascèse, mais pour simplement avoir la capacité de pouvoir être plus... opérationnel pour pouvoir aider les gens qui en ont véritablement besoin, celui-là, c'est très différent. D'ailleurs, celui qui accumule des siddhis pour lui-même, il les perd assez rapidement au fur et à mesure qu'il en use. Que celui qui acquiert ses capacités, mais au service de ses semblables, plus il s'en sert et plus il en a. Tout ce qu'il envoie lui est renvoyé 10 fois. Donc, il peut renvoyer 10 fois plus. C'est complètement fou ce qui se passe. J'avais un arrière-grand-père spirituel, il mangeait plus, il dormait plus, depuis de longues années. Et il nourrissait 3000 personnes tous les jours. Ils lui ont envoyé un collecteur d'impôts, les Anglais. Il a passé 5 jours sur place, il est redescendu à Bombay, il a posé sa démission. Ses supérieurs lui ont dit, mais monsieur, que s'est-il passé? Il dit, bon, ben voilà, j'ai vu un monsieur, déjà, je n'ai pas pu bien comprendre ce qui se passait, c'était très particulier. Il ne dort pas, il ne mange pas. Et tout ce qui arrive à ses pieds est instantanément redistribué. Qu'est-ce que vous voulez que je lui taxe? Il a posé sa démission, il est rentré à Londres. Je pense que lui, il a pris une grosse claque. Car Dadaji avait le grand-père du feu avait quelque chose de très particulier. C'était un avodout. Et par exemple, quand en 27, le roi du Népal est venu avec un attaché caisse plein de billets de 1000 roupies, le vieux, il a ouvert la valise, il a tout envoyé dans son feu. Il a refermé la valise et il a dit au roi du Népal, je suis désolé, chez le bon Dieu, il n'y a rien à vendre, rien à acheter. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage. Regarde ailleurs. Chemin le plus court pour se découvrir soi. Et le hashish, la ganja, la marijuana, on voit beaucoup de sadhus qui fument le shilom. Très peu sont capables de l'utiliser correctement. Beaucoup tombent en état d'addiction. Mais sinon, il fait partie à la base de ce que l'on appelle des plantes médecine. Il y a une utilisation. C'est-à-dire que ça fait partie aussi de la phytothérapie. On soigne des problèmes du métabolisme physiologique avec des plantes, mais on peut aussi soigner des problèmes du métabolisme psychologique de l'individu par le biais des plantes. Et on peut aussi par les plantes se détruire. Et on peut bien, mais comme toute médecine. Si tu prends une médecine dont tu n'as pas besoin, au lieu de te soigner, elle va te rendre malade. Mais le but du jeu, il faut quand même savoir une chose, hein, c'est de guérir. De pas, si on attache plus d'importance à la médecine et à sa maladie qu'à ses guérisons, il y a peu de chances de parvenir à quoi que ce soit. Ce sont des moyens, pas des fins en soi. Ce qui est très différent. Mais c'est vrai que c'est bien que tu parles du hashish, parce que ça m'a aussi marqué de voir l'effet sur le corps, fumer le matin, enfin, toute la journée. Je vois beaucoup de gens à tousser, enfin, on les sent malades à l'intérieur, le corps physique en tout cas a l'air de souffrir. C'est pour ça que je dis attention. Hein, c'est que dans beaucoup de cas, il s'agit plus de phénomènes d'addiction et pas forcément d'utilisation. Après, il est clair et net, il ne faut pas raconter d'histoire. Ceux que l'on appelle les yogis, les vrais yogis, qui sont déjà arrivés à un véritable stade de réalisation, nous le disent clairement. Le véritable bien-être ne dépend d'aucun substitut, quel qu'il soit. Pas plus même la nourriture que l'argent. Donc ça veut dire qu'on pourrait, dans ce cas-là, se passer de la nourriture et de l'alimentation matérielle. Sur un stade, oui, mais alors attention, faut pas balancer ça comme ça, parce que ça correspond pour une... C'est valable que pour très peu de gens. J'ai dû rencontrer, au cours de ces 40 dernières années, j'ai dû rencontrer une douzaine de sadhus qui, par exemple, ne dormaient plus depuis de longues années, sans être ni giclés, ni fêlés, ni très bien, et qui s'alimentaient très peu, et certains quasiment plus. Mais une douzaine. Je veux dire, donc, c'est pas une porte cochère. Hein. Apparemment, comme on dit sur cette voie-là, 100 000 en entendront parler. Sur 100 000 qui en entendront parler, un s'y intéressera. Sur 100 000 qui s'y intéresseront, un s'engagera. Sur 100 000 qui s'engageront, un parviendra. Donc, alors, hein, ça va. Hein. Pas, comme en Occident, les gens qui veulent soi-disant s'intéresser au domaine du tantra. Alors là, j'hallucine complètement. Parce qu'ici, dans la tradition, attention. Alors, le domaine du tantra tourne autour alors, de l'utilisation de certaines substances, de la sexualité, de rien à voir. De toute façon. Mais le fait de l'énoncer amène l'individu à agir en fonction. Le fait d'arrêter de l'énoncer amène, en fait, à ce qu'il l'évacue même de ses pensées. Car quand on dit du mal d'une personne, même si cela est vrai, ça n'est pas bon pour celui qui le dit, ça n'est pas bon pour celui qui l'écoute, et ça n'est pas bon pour celui dont on parle. Donc ça n'est bon pour personne. Par ailleurs, après, si on veut aller plus loin dans ce qu'on appelle l'utilisation du langage à bon escient, nous ne sommes pas non plus censés parler des gens qui ne sont pas là, ni en bien, ni en mal. Et le plus gros morceau, c'est ce qui définit un vrai sage, c'est tout simplement qu'il est capable d'utiliser le langage pour véritablement communiquer et non plus se faire valoir. Tout simplement. On ne dit pas, on fait. Exactement. Comme on dit, bodbolo matkaro, beaucoup parler, c'est peu faire. C'est pour ça qu'on va s'arrêter là. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Cette émission est proposée et montée par l'association Regarde ailleurs.